une boîte de Montpellier. Elle danse toute seule, sans cavalier, sans un regard pour son public. Un vieux dragueur, un alcoolique, qui voudrait bien. Qui s'en souvient? Qui s'en souvient?